Parfait, Rogoji n'est pas ici. Non, je vous l'ai déjà dit. Soit, mais il a bien passé la nuit chez lui, n'est-ce pas, Marfa? Vous connaissez mon nom? Permettez-moi alors de vous demander qui vous êtes, vous-même. Prince Léon Nikolaïevitch Mishkin. Ah! Eh bien, Prince Léon Nikolaïevitch Mishkin, Monsieur Rogojine n'est décidément pas là. Dites-moi au moins quand il rentrera. Je l'ignore, prince. Je résolus de repasser une heure plus tard. Cette fois, je pénétrai dans la cour. J'y vis un vieux domestique qui cassait du bois. Monsieur Rogojine est-il là? Certainement. Mais alors, comment se fait-il qu'on vient de me dire qu'il n'y était pas? Ah, on vous a dit cela? Alors il se peut bien qu'il soit sorti. Il ne nous prévient pas quand il sort. Je traversai la rue et je jetai un regard sur les fenêtres de l'appartement des Rogojine. Elles étaient toutes fermées. Un sentiment d'inquiétude et de désarroi s'empara de moi. Je me demandais pour la centième fois où Rogojine pouvait bien se terrer et si Nastassia Philipovna était avec lui. Fait étrange, il me sembla tout à coup qu'on soulevait un coin de rideau. Le visage de Rogojine s'y encadra pour disparaître aussitôt. Oh, non, j'ai rêvé, me dis-je, et je m'en allais encore plus perplexe. Je cherchais à me rappeler quels étaient les endroits fréquentés par Parfait Rogojine. Je les parcourus tous, aucune trace de Rogojine. Harassé, presque malade, je regagnai mon hôtel à la tombée de la nuit. Dans mon sommeil, je rejetai de moi toutes les couvertures, et je rêvais de portes. Elles s'en allaient en deux rangs, jusqu'à l'infini. Je les ouvrais et les refermais l'une après l'autre, les mains tremblantes et le dos mouillé de sueur. Au milieu de la nuit, je me réveillai en sursaut. Et je me dis que si Rogojine se cachait à Saint-Pétersbourg, il finirait tôt ou tard par venir me trouver, comme l'autre fois, avec des intentions bonnes ou mauvaises. Je me levai, m'habillai et m'assis dans un fauteuil. Et 3 jours s'écoulèrent ainsi, dans l'attente de sa visite et en vaine recherche. Un après-midi, alors que je regagnais mon hôtel, quelqu'un me toucha le coude. Léon Nikolaïevitch, viens avec moi. Viens avec moi, frère. J'ai besoin de tes services. Je jetai avec effroi un coup d'œil sur Parfait Rogojine, mais il m'avait déjà dépassé. À présent, il marchait d'un pas vif, fendant la foule. Je me mis à sa poursuite, craignant de le perdre de vue. Il s'arrêta brusquement au milieu d'une ruelle. Écoute-moi, Léon Nikolaïevitch. Va directement à la maison. Tu connais le chemin. Moi, je passerai sur le trottoir d'en face. Il vaut mieux qu'on ne nous voie pas ensemble. Parfait Rogojine traversa la ruelle et continua d'avancer plus lentement cette fois. De temps à autre, il se retournait comme pour m'inviter à le suivre. Nous fîmes ainsi 500 mètres peut-être, lorsque tout à coup, je me mis à trembler sans savoir pourquoi. Je m'arrêtai près d'une porte cochère. J'avais peur de m'évanouir. Rogojine traversa aussitôt la ruelle. Oh, qu'est-ce que tu as, prince? Tu es blanc comme un linge. Tu ne vas pas avoir une attaque, j'espère. Ce n'est pas le moment. Non, ne t'inquiète pas, Rogojine. Dis-moi plutôt. Nastassia Philipovna est chez toi? Elle y est, Léon Nikolaïevitch. Allons, marchons chacun de notre côté. Et pourquoi chacun de notre côté? Tu le sauras quand nous serons arrivés. Et nous continuâmes à avancer, chacun sur notre trottoir. Mon cœur battait avec violence et mes jambes fléchissaient. Enfin, nous atteignîmes la maison des Rogojine. Tirant une clé de sa poche, Parfait me fit signe d'approcher. Viens, mais ne fais pas de bruit. Personne ne doit savoir que je suis rentré. Tu reconnais le lieu, prince? C'est ma chambre. Viens. Viens, nous y serons à l'écart, des oreilles indiscrètes. J'ai peur, Rogojine. Pour qui, prince? Pour nous deux. Alors c'est bien. Nous, les marchands, nous disons « La peur est la mère de la sagesse ». Lorsque tu as sonné, il y a 3 jours, J'ai deviné que c'était toi. Je me suis approché sur la pointe des pieds, je t'ai entendu parler avec Marfa. Tu voulais savoir si j'étais chez moi. J'y étais, bien entendu. Mais Marfa t'a répondu que j'étais absent et qu'elle ne savait pas quand je rentrerais. Car je lui avais ordonné de dire que je n'étais pas là. Mais pourquoi tout cela, Rogojin? Tu sembles te méfier de tout le monde et en particulier de moi. Non, pas de toi, Léon Nikolaïvitch. La preuve que j'ai fini par t'amener ici. En effet, mais après 3 jours de cachotterie. Où est Nastassia Philippovna, s'il te plaît? Tu demandes où elle est? Elle est ici. Où cela? Tu trembles pour elle, il me semble. Tu as tort. Elle est dans sa chambre, à l'abri de tout mal. Mène-moi vers Nastassia Philippovna. Je veux la voir et tout de suite, tu m'entends, Rogojin? C'est bien. Suis-moi alors. Nous pénétrâmes enfin dans la chambre de Nastassia Philippovna. Une obscurité complète y régnait. Et si tu allumais une bougie? Non, non, pas de bougie. Il ne faut pas que les gens sachent que nous sommes ici. Tiens, voilà un fauteuil, assieds-toi. Moi, je m'installerai en face de toi. Et nous parlerons. Nous avons tout notre temps, prince. Mais il me semble entendre ton cœur battre. On dirait une pendule. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, quelle drôle de chose. Chacun de nous a dans la poitrine une pendule, en somme. Elle marque les minutes qui s'en vont et qui nous rapprochent de la mort. Seulement, jusqu'à présent, je n'y faisais pas attention. Et tu m'écoutes, Léon Nikolaïvitch? Rogojin, je te demande une dernière fois, où est Nastassia Philippovna? Là. Sur le lit derrière le rideau. Elle dort? Peut-être bien. Tu veux absolument la voir? Ben, allons-y. Seulement, j'appréhende. Non, non, non, je ne te dis plus rien. Attends une seconde. Je vais tirer le rideau. Ça y est. Maintenant, tu peux regarder. Mais il fait noir. On y voit quand même, prince. À présent, nous nous taisions. Je scrutais l'alcôve plongée dans l'obscurité. Au bout de quelques secondes, je finis par distinguer le lit. Nastassia y était couchée, recouverte d'un drap. Elle semblait dormir d'un sommeil de plomb, car je n'entendais rien, pas le moindre souffle. Je fis encore un pas vers le lit, et je tressaillis. Un pied nu sortait de dessous le drap. Il semblait taillé dans le marbre. Alors tu as vu? Viens. Viens maintenant. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Théo Martin, Marfa, Maurice Glass, le domestique, et Marcel Bozufi, Parfen Rogojin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.